Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre, écrit Pascal. Mais comment atteindre ce bonheur? Il y a ceux qui agissent aujourd'hui dans l'espoir d'être heureux demain, et ceux qui agissent maintenant pour être heureux maintenant. Et il y a ceux qui, comme Kant, pour lesquels on croit que le bonheur est secondaire, mais qui l'évoquent dès qu'on a le malheur de le faire attendre pour son café. Monsieur le professeur, on va apporter le café tout de suite. On va. Mais voilà où le bât blesse, c'est qu'on va. Monsieur le professeur, voici le café. L'homme n'a jamais le bonheur. Il va l'avoir. Moi, tu m'aimes, moi je t'aime, tu m'adores, je t'adore, tu m'aimes, je t'aime, c'est simple quand même, c'est ça le vrai bonheur. Tu m'embrasses, je t'embrasse, toute peine semble vaine, nos heures sont claires, charmantes et légères, c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur. C'est celui que l'on donne, et c'est aussi celui que l'on reçoit. Quand tu rêves, moi je rêve, tu t'éveilles, je m'éveille, même je t'aime, on s'aime de même, c'est ça le vrai bonheur. Bonjour Michel Cohen-Halimi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie, en compagnie d'Emmanuel Kant et de Josephine Baker. Sachez que si vous avez envie d'un café, il arrivera immédiatement dans cette émission. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'Université Paris 8. Pourquoi Kant, dans l'extrait qu'on a entendu, David Warilo, dans le film « Les derniers jours d'Emmanuel Kant », réalisé par Philippe Collin à partir du texte éponyme de Thomas de Quincey, dit-il que l'homme n'a jamais le bonheur, qu'il est toujours sur le point de l'avoir? Est-ce que ça veut dire que le bonheur pour Kant n'est pas de ce monde? Ça veut dire surtout, je pense, que le bonheur étant entendu comme la satisfaction extensive, intensive, protensive de tous les plaisirs désirables, ne ressortit pas de l'ordre de l'expérience. Et d'autre part, ne peut pas être un concept. Donc, l'exigence d'universalité que porte le projet moral de Kant ne peut pas se réaliser dans cette dimension-là, qui n'est pas un obstacle, mais qui est étrangère à la réflexion morale. La question du bonheur est une question qui reste particulière. Donc, pour Kant, il n'y a pas de lieu de partage de l'universalité sur cette dimension de la vie. Et il va d'ailleurs définir le bonheur comme un idéal de l'imagination. Donc le désirable n'est pas une qualité ou un caractère constitutif de l'objet désiré, il est porté, projeté par le sujet lui-même. Et ce sujet qui désire et qui désire son désirable reste dans la particularité de son désir. Et donc la morale, la doctrine du bonheur pour Kant n'est pas le lieu de l'élaboration de la morale. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que poursuivre et chercher son bonheur soit une aspiration immorale. C'est une aspiration amorale qui reste donc étrangère à la question de la morale. Et Kant va d'ailleurs forger quand même le concept d'eudémonisme. Eudémonisme. Voilà, eudémonisme, recherche du bonheur, eudaimonia en grec, le bonheur. Cette recherche-là est dans le fond reléguée hors du champ de la doctrine de la vertu. Mais le contresens qu'on commet habituellement, c'est de considérer que Kant juge le bonheur comme un obstacle à la morale. C'est pas un obstacle, c'est relégué hors du champ de la morale. Parce que ça ressortit dans le fond des principes de détermination de la volonté qui sont matériels, qui sont particuliers. Et donc ce à quoi j'aspire au titre du bonheur n'est pas ce à quoi vous aspirez vous au titre du bonheur. Donc il n'y a pas de partage possible, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'universel. Donc chacun aspire au bonheur, mais la question morale n'est pas là. On va essayer de comprendre ensemble ce malentendu, parce qu'il est vrai que l'on fait de la morale kantienne une espèce d'entité qui exclut le bonheur. En réalité, le lien entre la vertu et le bonheur est beaucoup plus subtil que cela, et ça ne veut pas dire que l'un exclut l'autre, mais que rechercher le bonheur n'est pas la meilleure manière d'être vertueux. À l'inverse, peut-être, être vertueux peut nous rendre heureux. Alors, même oui si c'est pas le but. Alors, c'est pas le but, mais alors, dans le fond, là, la vertu, c'est la qualité de la volonté morale, et donc elle ressortit des lois de la liberté. alors que le bonheur, c'est un état de la sensibilité qui ressortit des lois de la nature. Donc on est là... C'est deux ordres différents. Voilà, c'est deux nomothétiques ou c'est deux législations, la liberté et la nature, tellement différentes que Kant pose qu'il y a un abîme entre les deux domaines. Ça signifie qu'on ne peut pas dériver le bonheur de la vertu, non. Kant nous dit très clairement que être vertueux et la loi morale n'enveloppent aucune promesse de bonheur. Il va falloir ajouter cette promesse de bonheur. J'imagine qu'on va y venir parce que c'est une grande question, l'éviction de la doctrine du bonheur hors de la doctrine de la vertu. Parce que la question va se poser de quelle est la vie du vertueux. Mais disons, ce dont il faut partir, c'est que le bonheur n'est pas dérivé de la vertu. Donc le vertueux va persévérer dans sa vie vertueuse sans aucun espoir de devenir heureux, et peut-être que ça va fragiliser en fait cette vie morale et qu'il va falloir envisager quand même un étayage qui va être finalement que le vertueux produit le souverain bien, que ce souverain bien n'est pas encore un bien complet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de bonheur à l'horizon de cette vie morale, et que cette absence d'horizon de bonheur va fragiliser l'effort, et qu'il faut y remédier en ajoutant à la volonté morale, pour que cette volonté reste effective et qu'elle ne faiblisse pas, une promesse de bonheur. Et ça, donc, ça va relever des postulats de la raison pratique qui va réinvestir les pseudo-objets de la métaphysique spéculative, la liberté et surtout l'immoralité et surtout, l'immortalité, oui, et Dieu, l'existence de Dieu qui va peut-être permettre, croire en l'existence de Dieu, ça va peut-être nous permettre de croire en la possibilité pour le vertueux d'atteindre le bonheur, mais par une synthèse dont Dieu serait le garant. Parce que ces deux nomothétiques, ces deux lois, la loi de la nature et la loi de la liberté, étant hétérogènes et distinctes, irréductiblement distinctes, il faut un troisième terme pour produire la synthèse entre la vertu et le bonheur. Et donc il faut postuler l'existence de Dieu. Il y a presque un besoin de Dieu pour soutenir l'effort du vertueux. Et la raison ne peut pas rester indifférente à la réalisation de la vertu dans le monde, parce que, dans le fond, c'est un principe modal assez simple qui régit le raisonnement de Kant, c'est qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc on ne peut pas persévérer dans la vertu en étant malheureux, sans que l'effort vertueux faiblisse. Et en s'affaiblissant, et ça c'est quelque chose d'assez vertigineux, c'est que ça pourrait venir se formuler dans une objection à la loi morale comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire être vertueux pour Kant ? Être vertueux, c'est d'abord, alors fondamentalement, prendre pour seul motif de détermination de sa volonté la loi morale, dans sa forme, c'est-à-dire que la fameuse question qui régit toute la seconde critique, que dois-je faire, doit être entendue comme comment agir, et ce comment étant entendu comme une requête d'universalisation de la maxime. Et ce comment agir, donc au sens de universel, d'une exigence d'universalité dans l'action, produit le souverain bien, produit la vertu. Voilà, produit la vertu. Cette production de la vertu doit s'entendre en fait comme la production, je dirais, presque d'un monde, d'un règne défunt. Et le lieu où cette production de la vertu va s'inscrire n'est plus la nature. Et ça, c'est assez saisissant que peu à peu, chez Kant, c'est le monde qui va se substituer à la nature. Et que la temporalité de cet avènement d'une communauté morale, d'un règne défunt, la temporalité, c'est l'histoire. Donc peu à peu, de la deuxième critique jusque dans la troisième critique, on quitte l'antithétique sensible, suprasensible, et on gagne quelque chose qui va suturer l'abîme qui sépare les lois de la liberté des lois de la nature, et qui va être le monde et l'histoire. Voilà, le vertueux devient un être mondain, et ce qu'il produit est produit dans le monde comme le meilleur. Et de ce point de vue-là, c'est assez étonnant de voir comment l'adjectif, par exemple, suprême, qui qualifie la bonne volonté comme la chose la meilleure qui soit dans le monde, cet adjectif suprême se déplace peu à peu et va devenir l'adjectif qui qualifie le souverain bien et qui qualifie le sujet comme fin en soi. Mm-hmm. Et donc là, on a, dans les paragraphes 86, 87 de la troisième critique, on a finalement un vertueux qui vit dans le monde et qui vit dans l'horizon d'une philosophie destinale qui est la philosophie de l'histoire kantienne. Donc il est l'espace-temps de la nature, c'est vu substituer le monde et l'histoire, et c'est là que la communauté morale va se réaliser. Donc c'est une philosophie de la liberté qui se réalise dans le monde et non pas dans la nature, et dans l'histoire, selon cette temporalité historique. Vous parlez de souverain bien. On a vu hier avec Michael Fessel que pour Kant, la morale ne s'établissait pas selon un bien et un mal. Alors pourquoi cette notion de souverain bien apparaît-elle dans la seconde critique ? Eh bien, parce que, oui, comme vous l'avez dit dans votre entretien avec Michael Fessel, le plan de la deuxième critique est totalement inversé par rapport au plan de la première critique. Donc l'analytique s'ouvre sur l'analytique des principes et pas sur l'analytique des concepts. Donc le concept de bien et de mal n'est pas ce à partir de quoi on va dériver la loi morale, c'est l'inverse. Donc on part de la loi morale et à partir de la loi morale, on va comprendre que la volonté qui est déterminée exclusivement par la loi morale, c'est-à-dire par un principe formel, comment agir, produit le bien et le mal. Voilà, produit le bien et le mal. Donc cette inversion-là, elle est absolument fondamentale. Mais produisant le bien et le mal, eh bien on produit le souverain bien, c'est-à-dire on produit la vertu. Et le lieu d'inscription de la vertu, on va voir que c'est le monde. Ça, on le voit plus tard. On le voit plus tard. Pas dans la critique de la raison pratique. Parce que si on essaye de rester sur ce texte-là, qui joue un rôle très important entre la première critique, la critique de la raison pure, et la troisième critique, la critique de la faculté de juger, la question que pose Kant, vous l'avez dit, c'est que puis-je faire ou comment agir. La question sous-jacente est celle de savoir comment est-ce que la raison, qu'il a critiquée dans la première critique de la raison pure, comme faculté de connaissance, peut en elle-même produire de l'action, peut en elle-même être pratique. Ça, c'est une question qui est résolument nouvelle dans l'histoire de la philosophie. La raison est normalement, je le mets entre guillemets, du côté du raisonnement, du calcul, de la théorie. Et là, quand on nous dit non, la raison est à l'origine même de l'action et du commandement moral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors il me semble que dans la deuxième critique, la raison nous apparaît sous un nouveau jour. Et qu'il faut moins la considérer comme une faculté que comme une puissance de légifération. Ce qu'elle est peut-être déjà d'ailleurs dans la première critique, quand on voit la première préface, elle aspire à l'inconditionné, à les désirs de totalité. Donc cette puissance de légifération est véritablement, je dirais, l'essence même de la raison. Elle est moins une faculté qu'une puissance légiférante. Et cette puissance légiférante, Kant va dans le fond tenter de voir comment elle impose sa loi. Là, le terme de Gesetzgebung, de donation de la loi, est un terme extrêmement important qui surgit là. Comment s'impose cette loi à la volonté finie, sensible, du sujet humain ? Voilà. Donc là est toute la question morale, c'est-à-dire que dans la deuxième critique, alors les deux facultés, je ne sais pas, non, la raison pure pratique, dans cette essence légiférante qui nous apparaît être la raison pure elle-même, eh bien comment se rapporte-t-elle à la faculté de désirer ? C'est là tout l'objet de la deuxième critique. La faculté de désirer, c'est-à-dire que vous distinguez à la fois d'un côté la volonté, de l'autre la faculté de désirer. Oui, alors la faculté de désirer a deux formes, une forme inférieure et une forme supérieure. Et je crois que là, on a une philosophie de façade. Lou Andrea Salomé disait que chez Nietzsche, il fallait faire attention, il y a une philosophie de façade. Dans la deuxième critique aussi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est en terrain connu. On a vu ça chez Leibniz, on a vu ça chez Wolff. Il y a deux formes de la faculté de désirer. Et ces deux formes sont distinguées par les représentations. Les représentations de la faculté de la forme inférieure sont des représentations sensibles, donc confuses, obscures. Et puis il y a une gradation qui nous conduit vers un éclairage intellectuel de ces représentations qui vont devenir toujours plus claires et distinctes. Et on est là dans un passage continu de la forme inférieure de la faculté de désirer à la forme supérieure de la faculté de désirer. Ça veut dire que quand je passe de la forme inférieure à la forme supérieure, dans le fond, la représentation de mes fins désirables est toujours plus claire et toujours plus distincte. Donc là, on est dans un contexte, disons, leibnizo-wolffien, qui est contemporain de Kant, et qui est un contexte, je dirais, d'intellectualisme moral. C'est-à-dire, dans le fond, l'aspiration au bien relève, est homologue de l'aspiration au vrai. Or, la loi morale, chez Kant, n'est plus une loi intellectuelle. On quitte pas le rationalisme, mais on quitte l'intellectualisme moral. Et là, Kant va introduire une distorsion incroyable dans la façade. On a bien les deux fenêtres, forme inférieure, forme supérieure, mais on ne passe pas du tout de manière graduée et continue d'une forme à l'autre par clarification intellectuelle de la représentation, puisque en réalité, on quitte totalement la question d'un éclairage intellectuel de la représentation, puisque dans le fond, pour Kant, la distinction entre les deux, et là il va profondément vraiment à tendre le rapport entre les deux formes, aller presque jusqu'à la césure du désir et de la volonté, la forme supérieure de la faculté de désirer est une forme où Alors disons la volonté, pour cette forme supérieure de la faculté de désirer, n'est pas déterminée par des fins désirables. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'est pas déterminée par des fins désirables, elle est déterminée par la seule forme de la loi morale. Donc c'est une détermination formelle qui m'impose, dans le fond, en considérant la maxime de mon action, de considérer si cette maxime est universelle ou non. Donc la question de l'objet de mon action, la question de la fin de mon action est suspendue. Et ce qui est uniquement déterminant, c'est la loi morale dans sa pure forme d'universalité. Donc il n'y a plus de désir, il n'y a plus de faculté de désirer. Alors voilà, c'est là qu'on revient à notre... On peut désirer être moral peut-être. Alors non, on ne désire pas être moral, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois que en réalité, Kant a, comment dire, exclu la question du bonheur et puis elle revient. Parce que c'est une aspiration fondamentale, irréductible. Alors dire que la fin désirable n'est pas le principe déterminant d'une volonté morale, c'est pas encore avoir abandonné la question de la fin. Donc disons que cette fin, on pourrait dire, n'est plus antécédente, mais qu'elle va revenir comme fin conséquente. Mais juste si on s'arrête sur l'acte moral lui-même, s'il ne résulte pas d'un désir d'être moral, comment est-il déterminé moralement ? C'est par respect pour la loi, par amour pour la loi, par gratuité, par désintérêt ? Comment on le qualifie, cet acte-là qui agit moralement pour agir moralement, sans aucun désir ? Alors là, on arrive à la manière qu'a cette loi de s'imposer à notre volonté. Il n'y a pas d'inclination pour la loi morale, et donc Kant va nous dire que cette loi morale, quand elle s'impose à nous, elle porte, alors le verbe qu'il utilise c'est Eintracht tun, qui signifie en allemand à la fois porter préjudice et s'inscrire. Alors comment est-ce que cette loi, voilà, s'inscrit dans notre être rationnel et sensible ? C'est ça la question. Alors, elle porte préjudice. Alors, l'idéalisme plat qui gouverne en général la lecture de ces textes-là sur le respect, sur le sentiment de respect, elle consiste à dire, ben voilà, on fait abstraction de ce qu'on est un être sensible, on fait abstraction des inclinations, et là, on devient une sorte d'être angélique qui est en apesanteur et qui devient un être moral. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que le chapitre qui est consacré au sentiment du respect dans la deuxième critique, doit être lu avec beaucoup d'attention, parce que Kant, dans ce texte-là, nous dit « Oui, la loi morale, pour s'inscrire en nous, pour devenir le seul motif de nos actes, va porter préjudice, donc va s'inscrire en portant préjudice, mais portant préjudice à quoi ?» Kant dit « L'ensemble de nos inclinations, qui forment une sorte de système, se définit par l'égoïsme. » Mais cet égoïsme, attention, cet égoïsme a deux formes. Cet égoïsme a une première forme qu'il nomme Selbstliebe, Eigenliebe, disons, alors il dit amour propre, mais c'est surtout aussi, comment dire, une bienveillance à l'égard de soi-même, dans le fond, ce qui me fait me soucier de ma conservation de moi-même, qui me fait accorder une préférence à ce qui est relatif à la conservation de moi-même. Et une autre forme, donc ça, cette forme-là, on va voir ce qui lui arrive quand la loi morale s'impose à nous. Mais il y a une deuxième forme qu'il nomme présomption, qui est donc une autre forme d'amour-propre, deux formes. Mais en fait, c'est la distinction rousseauiste entre l'amour de soi et l'amour-propre. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Sauf que, disons que c'est pas l'état de nature et l'état social. C'est toujours l'état social. Mais dans l'état social, il y a une forme d'amour-propre qui me conduit à me préoccuper de ma propre survie, de la conservation de ma vie et qui m'attache à la vie, mais sans exclure les autres. Et là, il y a une sorte de marquage sémantique qui conduit Kant à produire le terme, entre parenthèses, pour cet amour-propre-là, le premier, de philotia, c'est-à-dire l'amitié au sens des Grecs, un double rapport à soi-même et aux autres dans la conservation de sa vie et dans la vie tout court. Donc cet amour-propre, cette forme-là, on va voir ce qui lui arrive dans l'imposition de la loi morale. Mais la deuxième forme, c'est une forme qui me conduit, alors ça c'est vraiment rousseauiste, c'est l'amour-propre comparatif qui me conduit à postuler que les autres devraient me préférer à eux-mêmes dans la conduite de leur vie. C'est donc un amour-propre qui devient présomptif, arrogantia, présomption, en cela qu'il me fait me porter moi-même centre de toutes les légiférations dans la conduite de vie de moi-même et des autres. Donc là, il y a une sorte de vraiment de présomption terrible. Alors, cette première forme d'amour-propre, elle va être, dit Kant, limitée. Elle est limitée et elle est ordonnée à la loi morale. Là, il y a un registre de la voix qui est assez étonnant, c'est-à-dire que la Stimme, la voix de la loi morale... V-O-I-X. Oui, V-O-I-X. Parce qu'elle nous parle, la loi morale elle s'adresse à nous. Elle nous parle, voilà. Là, on est passé à un registre phonique parce qu'elle est irreprésentable, mais on l'entend. Donc on passe... on n'a pas de concept, on peut pas se la représenter. On peut pas se la représenter. Mais on l'entend. Mais on l'entend. On sait qu'elle est là, on ne sait pas ce qu'elle est. Et elle est familière à toute conscience morale, c'est ce dont il faut partir. Et c'est la petite voix, c'est la petite voix. Voilà, c'est la voix de la conscience. Même l'homme le plus scélérat l'entend. Et c'est le surmoi, on pourrait dire que c'est une forme de surmoi ou pas ? Alors ça, c'est une question évidemment intéressante. Il va falloir démêler les voies, c'est tout l'objectif de Kant. Mais disons, si on en reste à ces deux formes d'amour-propre, parce qu'en général, on dit, voilà, on abolit en soi la sensibilité, non. On restreint un attachement à soi-même et aux autres, parce que philotia, c'est ce double rapport à soi-même et aux autres dans la conservation de sa vie. On l'ordonne à la loi morale. Et là, il y a une Einstimmigkeit, donc il y a une unisson des voies, l'unisson des voix de la loi morale et de cette petite voix de l'amour de soi qui s'ordonne à la loi morale, mais c'est simplement une limitation. En revanche, l'arrogance, l'amour propre comparatif à la Rousseau, qui fait de moi le centre de légifération du monde, cet amour propre-là, dit Kant, alors il est humilié, il est terrassé, il est anéanti. Ça, il n'en reste rien, et ça, c'est un amour de complaisance. Donc on a un amour de bienveillance envers soi-même, on a un amour de complaisance envers soi-même. Alors la complaisance est terrassée, et là on retrouve presque des motifs qui sont chez Paul, dans la lettre aux Philippiens, qui sont la crucifixion. Mais ce qui me semble important de voir, c'est que ce qui est conservé et même élevé, c'est un amour de soi qui n'exclut pas les autres. Et là, on reprend le thème grec de la philotia, et qui devient raisonnable. Un amour de soi raisonnable, voilà ce qui résulte de l'imposition de la loi morale à une volonté raisonnable et finie. Qui en résulte ou au contraire qui nous y conduit ? Non, qui en résulte, c'est-à-dire que la loi morale étant le seul motif de détermination de ma volonté, produit en moi, en s'inscrivant en moi, elle porte préjudice à l'amour propre arrogance, et elle limite un amour de soi non incompatible avec le rapport à autrui, qu'elle élève à un amour de soi raisonnable. Et là, on a véritablement un registre phonique qui fait qu'on atteint l'unisson des voix. Donc il n'y a pas, selon disons les stéréotypes habituels, on n'est pas dans un angélisme moral, on est dans une analytique de l'amour de soi et de l'amour propre qui nous montre possible, dans le fond, la promotion d'un attachement à soi qui n'est pas exclusif de l'attachement aux autres et qui renoue avec la grande tradition grecque de l'amitié, laquelle amitié est quand même, à la fin de l'éthique à Nicomaque, le lieu de transition, la communauté des amis entre l'éthique et la politique. Chez Aristote. Chez Aristote, oui. Alors comment cette conscience devient-elle consciente d'elle-même, en réalité ? Comment est-ce que la conscience morale apparaît à l'individu ? Vous parlez de polyphonie et d'harmonie entre les différentes voix. On va entendre un extrait qui semble illustrer comment la morale ne serait rien sans cette existence de la conscience. Et puis ensuite, un texte de Kant, alors cette fois-ci c'est dans la Fondation de la métaphysique des mœurs, qui répond à un de ses détracteurs, qui lui avait dit, mais en fait, au début de la critique de la raison pratique, lui-même répond à ce détracteur qui lui avait dit, mais il n'y a pas de morale kantienne, en réalité vous n'apportez rien de nouveau à la morale, vous ne faites que répéter différemment ce qui a déjà été dit. Et pour répondre à ce détracteur, Kant lui aussi prend l'exemple de la conscience. D'abord, la morale ne serait rien sans l'existence de la conscience, réponse de Pinocchio. Conscience, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'est la conscience ? Je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Tu saisis ? C'est toi ma conscience ? Qui ? Moi ? Pinocchio a compris. Veux-tu être sa conscience ? Moi ? Mais c'est-à-dire que... Parfait. Comment te nommes-tu ? J'ai un nom très simple, Jiminy Cricket. Alors rappelle-toi, Pinocchio, sois un brave petit garçon. Écoute toujours la voix de ta conscience, fais ce qu'elle te dit. Attention, Pinocchio ! Pour ce que j'ai à faire afin que mon vouloir soit moralement bon, je n'ai nullement besoin d'une subtilité qu'il faille aller chercher très loin. Sans expérience en ce qui concerne le cours du monde, incapable d'être préparé à tous les événements qui y surviennent, je me borne à me demander « Peux-tu aussi vouloir que ta maxime devienne une loi universelle ?» Ainsi, sommes-nous donc, dans la connaissance morale de la raison humaine commune, parvenus au principe de celle-ci. Un principe qu'assurément, elle ne se représente pas ainsi isolément sous une forme universelle, mais que néanmoins, elle a toujours en vue. Et qu'elle utilise comme étalon dans les jugements qu'elle porte. Il serait ici facile de montrer comment, ce compas à la main, elle sait parfaitement, dans tous les cas qui surviennent, distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est conforme au devoir ou contraire au devoir, dès lors simplement que, sans rien lui apprendre le moins du monde de nouveau, on la rend attentive, comme le faisait Socrate, à son propre principe. Ainsi pourrait-on montrer, ensuite, qu'il n'y a nul besoin de science ni de philosophie pour savoir ce que l'on a à faire pour être honnête et bon, et même pour être sage et vertueux. Il n'y a nul besoin de science ni de philosophie pour savoir ce que l'on a à faire pour être honnête et bon. C'est sur France Culture, les chemins de la philosophie, que vous entendez cette affirmation d'Emmanuel Kant. Et pourtant, nous allons en parler aujourd'hui, car si la philosophie ne rend pas honnête et bon, il y a bien quelque chose qui est à l'origine de cette honnêteté et de cette bonté, Michel Cohen-Halimi. Et ce quelque chose, Kant le décrit dans ce texte. En réalité, ce qu'il nous dit, c'est que la conscience morale n'est pas quelque chose qui est inculqué, que l'on apprendrait. Nous, la conscience connaît déjà ce qu'est la loi morale. À la différence peut-être de Pinocchio, à qui l'on présente sa conscience. Oui, je crois que là, ça devient très très compliqué, parce que Kant est vraiment, je trouve, un penseur qui affole totalement la question du donné. Dans la première critique, on sort bouleversé par cette reconceptualisation de la phénoménalité. Et dans la deuxième critique, eh bien, en effet, dans la préface, il nous dit, il y a un critique qui m'a reproché de n'avoir rien inventé, j'ai pas inventé le principe de la moralité. Mais il a pas cru si bien dire, parce qu'en effet, j'invente rien. Je ne fais que formuler un principe qui est familier à chacun. Et c'est là qu'il affole la question du donné. Parce que d'un côté, il nous dit, je n'invente rien. Et de l'autre côté, il porte au langage un donné, quelque chose qui est donné à la conscience. La loi morale est familière de toute conscience, on l'entend, chacun l'entend. Mais en portant au langage cette voix, cette petite voix, en réalité, je crois qu'il invente. Donc on pourrait. Ah, vous pensez, vous donnez tort à Kant contre lui-même. Je pense qu'on est sur une pointe discursive qu'il faut bien avoir présente à l'esprit pour avancer dans la lecture. C'est-à-dire que, par exemple, dans le paragraphe 57 de l'Anthropologie du point de vue pragmatique, Kant distingue découvrir et inventer. Voilà, Christophe Colomb découvre l'Amérique, donc l'Amérique préexiste à sa découverte, et puis on invente la poudre à canon. Donc on pourrait dire, dans le fond, Kant découvre la loi morale, au sens où elle préexiste à sa formulation, mais en même temps, en la portant au langage, je crois qu'il invente. Je crois qu'il invente, il invente une formulation des problèmes totalement inédite. Et là, on retrouve bien ce que j'appelais tout à l'heure, en empruntant à Lou Andreas Salomé et parlant de Nietzsche, une philosophie de façade. C'est-à-dire que toutes les évidences vont être là en n'étant plus là. On croit qu'on s'y reconnaît, et cette croyance fondamentale qui nous engage dans la lecture va se trouver totalement mise en déroute. Parce qu'à chaque fois qu'on croit s'y reconnaître, le sol se dérobe sous nos pieds. Et Kant, vous parliez avec Michael Fussell de révolution, mais je crois que Kant est assez à la fois prudent dans sa préface, et en même temps, il n'hésite pas à dire qu'il va avoir une méthode totalement paradoxale. Il dit, il y a un paradoxe de ma méthode qui fait que je pars de la loi morale plutôt que du concept de bien et de mal. Donc il n'hésite pas, dans le fond, à la fois à nous dire... Je suis tout à fait en conformité avec ce que le sens commun entend par bien, mal, moral. On n'a pas besoin de philosophie pour être moral. Et en même temps, on a besoin de philosophie parce que il y a en quelque sorte déjà un brouillage des évidences qui fait qu'à la fois on entend la loi morale, mais que entre entendre et écouter, il y a tout un écart qu'il faut bien prendre en considération. Et donc on entend la loi morale, mais c'est une évidence qu'on n'arrive pas vraiment à se formuler à soi-même pour la partager avec les autres. Et donc il faut de la philosophie pour conduire au langage cette évidence. Mais en la conduisant au langage, en fait, Kant est en train de produire une totale révolution, une problématisation sans précédent des questions morales. Et on a quitté ce qu'on a nommé tout à l'heure l'intellectualisme moral, c'est-à-dire qu'il suffit pas de se représenter clairement et distinctement des fins désirables pour être moral, parce qu'on peut se les représenter de manière intellectuelle, distincte et claire, en restant dans le démonisme. C'est-à-dire, je peux poursuivre la recherche du bonheur avec des représentations intellectuelles claires et distinctes. Donc, Kant dit, c'est pas le raffinement intellectuel de la représentation du désirable qui me rend moral. Ça, donc, tout ce qui était entendu par distinction entre forme supérieure et forme inférieure de la faculté de désirer tombe dans la doctrine du bonheur, dans ce sens-là. Et soudain, on voit le sol se dérober sous nos pieds, parce qu'on avait cette façade où on reconnaît Wolff, où on reconnaît Leibniz, et finalement, une volonté morale est une volonté qui est déterminée par la seule forme de la loi morale, et là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans la théorisation de la morale. Donc la théorisation de la morale, c'est pas une théorisation du bien connu, ni du bien entendu, c'est soudain quelque chose qui ouvre un nouvel horizon. Donc c'est là qu'est la pointe discursive, je dirais. C'est que à la fois, on n'a pas besoin d'être philosophe pour être moral, mais on a besoin de philosophie, dans le fond, pour exercer son jugement pratique, et pour produire, dans le fond, la vertu et l'inscrire dans le déroulé de l'histoire et du monde de la manière la plus efficace possible. C'est-à-dire pour la tirer du domaine individuel dans lequel elle se trouve vers une forme de collectivité. Oui, absolument. C'est dans l'histoire. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, le surmoi, etc., ouais. C'est-à-dire que ces voix, elles sont multiples dans ma conscience. Il y a les voix de la famille, il y a les voix sociales, il y a les voix de la nature. Et donc, il faut cribler. Il faut cribler et reconnaître parmi ces voix la voix de la raison pure pratique, la voix de la morale. Mais est-ce que ça veut dire que pour Kant, est moral celui qui agit sans intérêt? On parle beaucoup de morale désintéressée. Oui. Alors là, on arrive de nouveau dans une difficulté à cribler, qui est que, c'est Albert Hirschman dans Les passions et les intérêts montre dans ce livre assez passionnant qu'au XVIIIe siècle, le concept d'intérêt est en train de se réduire au seul concept de profit, de gain. Mmh. Voilà. Alors au regard de cette réduction sémantique, on pourrait dire que être attaché à la production de la vertu dans le monde et dans l'histoire doit nous délivrer ou nous, dans le fond, nous détacher de cette conception de l'intérêt, puisqu'on ne calcule pas un bénéfice, on ne calcule pas l'obtention d'un désirable, on est dans un autre registre. Les fins désirables ne sont plus les fins qui nous déterminent à agir. Mais intérêt a un autre sens beaucoup plus large qu'on trouve chez Rousseau. D'ailleurs, la volonté générale est articulée à un intérêt qui n'est pas dit général, mais qui est commun. Donc c'est le intéressé, c'est ce qui me fait prendre part à la communauté, c'est ce qui me fait prendre intérêt à, alors non pas l'objet de l'action, non pas le bénéfice de l'action, mais l'action elle-même. Donc Kant distingue, et par là je dirais réouvre le champ sémantique du concept d'intérêt. Il distingue l'intérêt-profit et l'intérêt qu'on peut prendre à l'action comme telle. Voilà. Qui est de quel ordre? C'est de la curiosité? Non, c'est pas de la curiosité, c'est être partie prenante de la promotion de la liberté dans l'histoire. La promotion. La promotion de la liberté. C'est une forme de prosélytisme de la liberté. Pas prosélytisme, non, être acteur, partie prenante de la réalisation dans le monde d'une communauté morale. Mais quand vous dites cela, ça veut dire qu'il y a l'objectif peut-être de Kant derrière cette seconde critique est aussi une forme d'expansion de la liberté, ou faire prendre conscience à l'homme que cette liberté existe en lui pour pouvoir faire advenir une forme politique aussi qui soit davantage assignée à cette liberté. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que si on s'en tient à la critique de la raison pratique, on pourrait se dire que finalement, la liberté, si jamais elle advient, n'advient que acte après acte. Mmh. À chaque fois que j'agis selon la loi morale, je prouve ma liberté. Voilà. Je produis un acte libre. Je suis autonome. Mais dans le fond, c'est presque une sorte de temporalité punctiforme à chaque acte. Et il ne résulte de cet acte aucun caractère moral. Et donc il faut bien prendre en considération qu'après la critique de la raison pratique, et surtout à partir de la troisième critique, dans l'articulation des deux, dans toute la réflexion sur la téléologie morale, il va y avoir un horizon historique. C'est-à-dire que là, on a, je pense, une philosophie de l'histoire tout à fait inédite aussi, qui est une philosophie destinale. C'est-à-dire, dans le fond, comment et où cette destination libre de l'homme s'inscrit-elle? Elle s'inscrit, une fois encore, dans le monde, c'est-à-dire une mondanéité de l'être moral. On n'est plus donc dans l'alternative sensible, suprasensible, nature, suprasensible. On est dans l'horizon du monde Et la temporalité, c'est l'histoire, en effet. Bah, donc, concrètement, ça explique aussi l'enthousiasme de Kant au moment de la Révolution française. Oui, absolument. Qui est, selon lui, une sorte de, d'application dans le monde des phénomènes, de cette liberté dont il, qu'il postule par ailleurs dans la critique de la raison pratique. Oui, absolument. La liberté, finalement, en tant que c'est une idée, ne peut pas se phénoménaliser, puisque ça contrevient au concept même d'idée. Mais en même temps, elle se manifeste sous forme de signes. Donc là, on a une sorte de presque de sémiotique de la liberté dans l'histoire. Il y a des signes, qui suscitent un enthousiasme pour le sentiment qu'on a, précisément ce que je disais, être la promotion de la liberté dans l'histoire. Il écrit dans le Conflit des facultés, donc en 1798, 10 ans après la critique de la raison pratique, « La révolution d'un peuple spirituellement riche, que nous avons vu se produire de nos jours, peut bien réussir ou échouer. Elle peut bien être remplie de misère et d'atrocité au point qu'un homme réfléchi, s'il pouvait, en l'entreprenant pour la seconde fois, espérer l'accomplir avec succès, ne se déciderait cependant jamais à tenter l'expérience à un tel prix. Eh bien, cette révolution, dis-je, trouve cependant dans les esprits de tous les spectateurs, qui n'ont pas eux-mêmes été impliqués dans ce jeu, une prise de position au niveau de ces souhaits qui confinent à l'enthousiasme et dont l'extériorisation même comportait danger. Prise de position, donc, qui ne peut avoir d'autre cause qu'une disposition morale dans l'espèce humaine. Au fond, ce que dit Kant dans ce texte, c'est que la Révolution française prouve à sa manière que l'homme était disposé à agir librement, disposé à agir moralement. Oui, oui, et on retrouve là, finalement, le concept d'intérêt dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que... L'intérêt pour l'agir, c'est pour ça. Oui, hein. Parce que les spectateurs sont pas immédiatement des agents, ils sont spectateurs de l'événement. Et en même temps, ils prennent un risque, parce qu'ils vivent, eux, dans des régimes politiques qui sont loin d'être des républiques. Et donc, ils prennent le danger d'être poursuivis ou persécutés pour solidarité avec l'événement révolutionnaire. Donc là, on voit bien que l'intérêt que prennent ces spectateurs n'est pas l'intérêt profit, n'est pas l'intérêt gain. Donc je crois que Kant, après Rousseau, a réouvert le concept d'intérêt à un champ sémantique qui était en train de disparaître, de s'évanouir. Mais comment la description de l'enthousiasme des spectateurs à la Révolution française lui permet-elle d'argumenter en faveur de l'existence de cette loi morale? Parce qu'en réalité, c'est un reproche, une objection qu'on peut faire à Kant, c'est-à-dire que cette liberté que la loi morale prouve, que l'obéissance même à la loi morale prouve, que l'existence du respect prouve de manière sensible, ne peut pas véritablement être démontrée. On sait que nous sommes libres, on ne sait pas ce qu'est cette liberté. Au fond, on pourrait tout à fait considérer que Kant postule en chacun l'existence de cette liberté, de cette loi morale, et qu'il ensuite interprète ce qu'il voit, la réaction des spectateurs à la Révolution française, la réaction de tel ou tel individu face à telle action morale, en fonction de ce qu'il veut affirmer par ailleurs. Mais tout repose peut-être sur un présupposé indémontrable. Auquel cas, c'est tout l'édifice de la critique de la raison pratique qui s'effondre, Michel Cohen-Alimi. Bah, oui, en fait, le problème, c'est de tenir vraiment jusqu'au bout, et c'est une difficulté. Enfin, on n'est pas familier vraiment de cette hétérogénéité des usages théoriques et pratiques de la raison. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, et donc, ce dont il faut partir, c'est que la loi morale est donnée à toute conscience, mais que ce donné-là, et c'est pourquoi je pense que Kant était vraiment un penseur qui affole la question du donné, ce donné-là n'est pas déduit. Et en même temps, il n'a pas besoin de l'être. Et là, je crois qu'on a une séquence dans l'histoire de la philosophie qui est aussi sans précédent, qui est que Kant est en train de délier le transcendantal de la liberté, etc., du principe de raison suffisante. La loi morale est sans pourquoi. C'est quelque chose que quelqu'un comme Antoine Grandjean a magnifiquement analysé et déployé. Donc on a un absolu qui touche la conscience, mais qui n'est pas démontrable, qui n'est pas déductible, et qui est délié du principe de raison suffisante. Donc ça, c'est quand même sans précédent dans l'histoire de la philosophie, enfin je veux dire au moins à partir du rationalisme théorique auquel Kant était accoutumé, et qu'on retrouve chez ses contemporains post-leibnitiens. Donc la loi morale est sans pourquoi, mais en même temps, cette loi morale, elle me permet de connaître la liberté, donc là, il y a quand même une déduction. Et pourtant, nous dit Kant, et pourtant, il est impossible de vivre vertueusement sans penser à son bonheur, c'est ce que vous disiez en début d'émission, et pourtant, ce simple, la reconnaissance même de l'existence de cette liberté, et même le respect de la loi morale, peut-être ne se suffit pas. En tout cas, il y a une réintroduction de la faculté de désirer de l'homme qui fait qu'il se doit quand même de postuler l'existence soit du souverain bien, soit de Dieu. Sinon, peut-être que cet agir moral ne se suffirait pas en lui-même, ou peut-être est-ce une manière de montrer que l'homme a quand même besoin d'être heureux, même quand il est moral. Écoutons un second texte issu de la critique de la faculté de juger, qui pose précisément la difficulté pour l'homme vertueux de se passer du concept même de bonheur. Nous pouvons poser l'hypothèse d'un honnête homme, par exemple Spinoza, qui est fermement persuadé qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas non plus de vie future. Comment appréciera-t-il sa propre destination finale intérieure à travers la loi morale qu'il respecte en agissant? De l'obéissance à cette loi, il ne demande pour lui-même aucun avantage, ni dans ce monde, ni dans un autre. Désintéressé, il veut bien plutôt faire le bien, vers lequel cette loi sacrée oriente toutes ses forces. Mais son effort est limité, et il ne peut, à vrai dire, attendre de la nature qu'une contribution contingente, de temps en temps. Mais jamais un accord ordonné, comme selon une loi, avec la fin qu'il se sent pourtant obligé de réaliser. La tromperie, la violence et la jalousie domineront toujours autour de lui, quand bien même il serait pour sa part honnête, pacifique et bienveillant. Et les gens intègres qu'il pourrait encore rencontrer en dehors de lui seront cependant, quand bien même ils apparaîtraient dignes d'être heureux, soumis par la nature, qui ne prête pas attention à cette dignité, à tous les maux de la misère, des maladies et de la mort prématurée. Et ils le resteront toujours, jusqu'à ce qu'une vaste tombe les engloutisse tous ensemble, honnêtes ou malhonnêtes, cela est ici sans importance. En ce sens, la fin que cet homme bien-pensant avait et devait avoir en vue à travers son obéissance à la loi morale, il lui faudrait dès lors l'abandonner comme impossible. Ou bien, s'il veut, même dans ces conditions, rester attaché à l'appel de sa destination morale intérieure, il lui faut admettre, du point de vue pratique, l'existence d'un auteur moral du monde, c'est-à-dire de Dieu. Aurait-on besoin de croire en Dieu pour bien agir? C'est ce que laisse présupposer ce texte, ce qui pose problème, Michel Colalimi, parce qu'on a bien présenté l'entreprise kantienne, et surtout dans la critique de la raison pratique, comme étant une entreprise qui consistait à assigner l'homme comme étant la propre cause de son agir, c'est-à-dire à pouvant se donner sa propre loi. Ce que signifie le terme d'autonomie? L'homme est autonome, il n'a pas besoin de Dieu, ni même d'une idée du bien pour agir. Or, ce que ce texte dit, c'est quand même, peut-être que finalement, d'un point de vue pratique, il faut admettre l'existence d'un auteur moral du monde, c'est-à-dire de Dieu. Alors, est-ce qu'il se contredit absolument? Non, la morale chez Kant reste athéologique. Mais elle va être confrontée à ce désir de bonheur dont on est bien d'accord qu'il est irréductible. Il est irréductible. Et donc ça, c'est le premier point. L'irréductibilité de l'aspiration au bonheur, qui est, dans le fond, la marque de notre finitude sensible. La deuxième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la volonté n'est pas séparable d'une fin. Vouloir moralement, c'est encore vouloir quelque chose. C'est pas vouloir pour vouloir. Donc, si la fin n'est pas antécédente, c'est-à-dire s'il n'y a pas un désirable qui me meut, qui me pousse vers l'action, si je fais abstraction de toute fin désirable dans la détermination de ma volonté. Donc il n'y a pas de motif désirable. C'est la loi morale seule dans sa forme universelle qui est déterminante pour moi. Où est la fin? Qu'est-ce que je veux quand je veux moralement? Puisque Kant dit, quelqu'un qui séparerait la volonté de la fin produirait une absurdité, Unsinn. Donc où est la fin? La fin est conséquente. La fin est conséquente, c'est la vertu. Donc quand je veux, quand j'obéis à la loi morale, je produis la vertu dans le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce vertueux-là, de quelle vie vit-il? Puisque le bonheur ne peut pas être dérivé de la vertu, on a vu que c'était deux législations hétérogènes, et que ce vertueux peut donc vivre une vie sans bonheur, et voire même prospérer autour de lui le vice qui rendrait heureux, puisque si la vertu ne promet pas le bonheur, le vice n'empêche pas non plus le bonheur. Donc il peut, et c'est là l'hypothèse Spinoza, il peut, dans le fond, vivre une vie en manifestant un effort moral qui va peut-être s'avérer limité. C'est-à-dire que persévérer dans la vertu, sans le moindre espoir de voir pointer à l'horizon l'effort, de voir rédimer l'effort par l'obtention du bonheur, eh bien, c'est en fait une fragilisation immense de l'effort vertueux. Donc Kant ne peut pas faire abstraction de la question du bonheur du vertueux. Mais il va falloir ajouter la promesse du bonheur à la volonté pour rendre cette volonté effective. C'est-à-dire que c'est pas un aveu de faiblesse de cette volonté? Je pense que c'est de l'ordre d'un étayage, parce que la raison peut pas rester indifférente à ce qu'elle prescrit, à la réalisation plutôt de ce qu'elle prescrit. Elle peut pas commander l'impossible. Si elle commande l'impossible, alors elle se fragilise elle-même, et Kant en vient à dire, dans l'antinomie de la raison pratique, que le vertueux pourra finir par penser que cette raison est fantastique, que les fins qu'elle prescrit sont imaginaires et vides. Et puis dans le paragraphe 91 de la troisième critique, ce doute hyperbolique qui envahit le vertueux va revenir et il va se dire, mais peut-être que cette loi morale est une tromperie, Täuschung. C'est-à-dire, elle me prescrit l'impossible, elle me prescrit l'invivable. Voilà, donc c'est le besoin du vertueux dans l'effort de la vertu, parce que la vertu, c'est pas le plaisir du devoir accompli, c'est un accomplissement sans relâche, c'est un chemin sans oui. fin, donc il y faut un effort, lequel effort doit être soutenu. Et si dans cet effort, jamais l'aspiration au bonheur n'est satisfaite, eh bien il y a une forme de fragilité qui va gagner, toute la vertu elle-même. Donc c'est plutôt un effet secondaire de l'exigence de pureté et d'inconditionnalité. Comme une béquille qui viendrait soutenir un homme chancelant, mais ça veut dire que l'homme n'est pas à la hauteur de la loi morale? Mais ça veut dire que l'homme, dans sa finitude, continue d'aspirer au bonheur, et que cette aspiration-là, on ne peut pas en faire l'économie. Jusqu'à croire en Dieu. À croire en Dieu pour que c'est le besoin de Dieu, il procède de la constance de l'effort du vertueux. Faute de quoi, en fait, il faudrait être héroïque, peut-être comme Spinoza, et persévérer dans la vertu sans jamais être heureux. Est-ce que c'est une hypothèse tenable? Kant juge que c'est trop périlleux. Donc en effet, ce besoin de Dieu qui procède de la continuité de l'effort moral, de la nécessité de soutenir cet effort, vous dites béquille, je dirais étayage, mais donc on a bien une théologie morale qui est fondée par la prise en considération de l'impossibilité de faire abstraction de la question du bonheur du vertueux. Dans un texte différent, enfin qui précède la critique de la raison pratique, Kant qualifie le vertueux de mélancolique. Il dit un sentiment intime de la beauté, de la dignité de la nature humaine et une tranquillité, une force d'âme qui font que l'on y rapporte toutes ses actions comme à un principe général, sont choses sérieuses et font mauvais ménage avec une gaieté volage, avec l'inconstance d'un étourdi. Il se rapproche même de la mélancolie, sentiment tendre et noble dans la mesure où il se fonde sur l'horreur que ressent une âme souffrant de ses limites. Qu'en pleine de grandes intentions, elle voit les dangers qu'elle a à surmonter et a devant les yeux la difficile mais grande victoire qui consiste à se vaincre soi-même. Ainsi, finit-il, la vraie vertu fondée sur des principes a quelque chose en elle qui semble s'accorder le plus souvent avec la disposition d'esprit mélancolique au sens atténué du mot. Comme si ici il y avait une forme de presque de pathologie du caractère humain face à la vertu. Oui, oui, alors ça c'est vraiment un fil rouge qui conduit des textes pré-critiques où l'homme vertueux pleure toujours, dit Kant, le vertueux pleure. Il y a vraiment une mélancolie qui est un fil rouge et qui va courir comme ça jusque dans la troisième critique, dans le paragraphe 83, dans une note du paragraphe 83 où il faut revenir là. Alors si on est dans la deuxième critique, il faut revenir à ce chapitre 3 sur les mobiles. On a dit donc que ce qui est promu, ce qui est élevé dans l'obéissance à la loi morale, c'est un amour de soi raisonnable. Et Kant nous dit, mais finalement, cet amour de soi raisonnable, il se vit dans quel sentiment, dans quel type de sentiment? Et il dit, dans ce chapitre 3 de l'analytique, il dit finalement, Trost, la consolation, et innere Beruhigung, c'est-à-dire l'apaisement intérieur. Donc on a quand même quelque chose d'assez ténu, qui est que le vertueux, dans ce texte-là, est quelqu'un qui s'est éloigné du goût de vivre, Et le sentiment négatif de cet éloignement du goût de vivre, eh bien, c'est une consolation, un apaisement intérieur, alors qu'on peut expliquer comment. Eh bien, il a une estime de lui-même qui est grandie. Mais c'est quand même assez ténu. C'est assez ténu. Et en effet, il y a, dans le fond, là, quelque chose qui est un peu la face sombre du kantisme et qui est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, dans le fond, la vie du vertueux est une vie qui est déliée du goût de vivre, du bonheur qu'on va retrouver à partir de la croyance en Dieu. Mais donc, dans cette déhiscence, il y a, de manière continuelle, dans le fond, un fil mélancolique. C'est donc avec le bonheur chanté par Philippe Catherine que nous nous quittons, la mélancolie incarnée. Autour des maisons, dans les salles de sport, dans les grands salons des aéroports, sous les réverbères, sur les grands boulevards, dans les pissotières, près de la gare, décidément, le bonheur est écœurant. Dans les réfectoires, des grands hôpitaux, dans les lits des dortoirs, des lycées provinciaux, dans les cinémas pornographiques, sur les bancs de bois des églises catholiques, décidément, le bonheur est écœurant. Merci beaucoup Michel Cohen-Halimi d'être venu nous parler de Kant aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Entendre raison », essai sur la philosophie pratique de Kant qu'on trouve aux éditions Vrin, ainsi qu'un ouvrage collectif que vous avez coordonné « Kant, la rationalité pratique » aux éditions PUF. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Alors de quoi nous parlez-vous aujourd'hui pour votre journal de la philo ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du miracle grec. Cette expression de miracle grec est apparue pour la première fois sous la plume d'Ernest Renan en 1883 dans son ouvrage « Souvenirs d'enfance et de jeunesse ». Se remémorant son premier voyage à Athènes et la découverte de l'Acropole, il y écrit, je cite, « Depuis longtemps, je ne croyais plus au miracle, dans le sens propre du mot. Cependant, la destinée unique du peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m'apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or voici qu'à côté du miracle juif, venait se placer pour moi le miracle grec. Une chose qui n'a existé qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se verra plus, mais dont l'effet durera éternellement. Je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tache locale ou nationale. Cet étonnement ou même cet éblouissement lié à la découverte de la citadelle antique, c'est aussi celui de Sigmund Freud qui, en 1936, dans une lettre adressée à Romain Rolland, écrit, je cite, « L'après-midi de notre arrivée, quand je me trouvais sur l'Acropole et que j'embrassais le paysage du regard, il me vint subitement cette étrange idée. Ainsi, tout cela existe réellement, comme nous l'avons appris à l'école. » Et c'est vrai. Non seulement tout cela a existé au passé, mais tout cela existe réellement au présent. Car tout ce qui a été dit ou fait sur cette terre de sublime et d'incomparable a été dit ou fait pour la première fois par les Grecs de l'Antiquité. Homère, les Ioniens, les Éléates, les Pythagoriciens, les atomistes et les sophistes, Socrate, Platon, Aristote, Échille, Sophocle, Thucydide, Euripide, Aristophane, les temples, les dieux, l'art oratoire, la guerre, l'amour, la démocratie. C'est ça le miracle grec. Et bien d'autres choses encore. Quand je dis « d'autres choses encore », c'est parce que l'Antiquité grecque n'a cessé elle-même de voyager et de traverser les époques. C'est ce que raconte le livre de François Hartog, intitulé « Partir pour la Grèce, pourquoi nous avons toujours besoin des anciens », qui vient d'être réédité en poche chez Flammarion. Donc nous n'avons plus le choix, il faut partir pour la Grèce, c'est ce que vous nous dites. Oui, moi personnellement je conseille, mais en attendant de prendre un billet de préférence sans retour pour Athènes, lisez quand même François Hartog. Car s'il y a la Grèce des ruines et des églises, du Retsina qu'on boit le matin et de l'ouzo qu'on boit le soir, il y a aussi la Grèce comme construction, comme représentation, comme objet de savoir, de désir et de nostalgie. Hartog prévient dès la préface. Pour les Européens, la Grèce n'est pas un héritage donné. C'est une longue histoire d'appropriation successive. Les Romains ont eu besoin des Grecs pour se définir et se penser autrement que des barbares hellénisés ou des Grecs barbarisés. Au couple grec-barbare est ensuite venu s'ajouter le couple chrétien-païen, où le grec est tantôt l'annonciateur de l'évangile, tantôt l'incroyant auquel il faut s'opposer. Vient ensuite le couple des anciens et des modernes, qui s'écharpe entre partisans de l'imitatio et ceux de la renovatio. Paradoxalement, la rupture introduite par les modernes donnera naissance à l'obsession de la restitutio, la restitution des textes, des monuments, des statues, de toutes les collections antiques afin de créer les premiers musées. Rupture qui n'empêchera pas l'Allemagne, l'Angleterre ou encore la France de continuer à cultiver ses hellénistes et par moments venir s'abreuver au sein d'Athènes pour repenser son histoire, se réinventer une trajectoire, se redonner du sens. Chacun des chapitres de l'ouvrage d'Hertog répond à une question précise. Le premier s'interroge sur le destin des études classiques, à la fois discipline et plus que discipline, dont la transmission est nécessaire pour s'exercer au décentrement, se déprendre pour mieux se comprendre. Le deuxième propose une enquête sur l'invention, par les Grecs, de l'histoire comme objet et comme discipline. Vient ensuite une enquête passionnante consacrée aux barbares, cette figure inventée à Athènes qui n'a cessé de rôder dans toute l'Europe, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Hertog présente ensuite plusieurs façons modernes de partir pour la Grèce, avec Paul Ricoeur, l'historien des religions Mircea Eliade, les historiens Moses Finlay et Claude Mossé. Les deux derniers chapitres, enfin, évoquent la Grèce à la française, qui, sur un peu plus d'un siècle, va de Fustel de Coulanges à Jean-Pierre Vernon. Jean-Pierre Vernon qui, en 1995, disait « La Grèce est une de nos racines fondamentales. Et pour comprendre qui nous sommes, avec tous les problèmes d'identité qui se posent aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes, nous, les Occidentaux, nous, les Européens, nous, les Français d'ici, il faut essayer de comprendre d'où nous venons. Quelle a été notre généalogie? Et sur ce plan, le passage par la Grèce me semble nécessaire. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Voilà quelques questions simples auxquelles l'ouvrage de François Hartog, Partir pour la Grèce, pourquoi nous avons besoin des anciens, réédité en poche chez Flammarion, permet d'apporter quelques réponses. C'est aussi ça, le miracle grec. Merci Anastasia. On vous retrouve demain, vous serez partie vers la Grèce? Non, je ne serai pas partie malheureusement. Bon, pour notre plus grand bonheur, à demain Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Marie Simon, Anaïs Isbert, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine. Bruno Gagnère-Fontani qui est à la prise de son aujourd'hui. Georges Kless à la lecture des textes conciens. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la critique de la raison pratique d'Emmanuel Kant. Demain, nous serons en compagnie d'Antoine Grandjean qui posera ou tentera de répondre à une question. Peut-on éduquer l'homme à bien agir? Ce sera demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission, sachez que c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la philosophie. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques concernant l'émission du jour et puis vous pourrez la réécouter, soit en ligne, soit en la téléchargeant, la podcastant, afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, l'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.